بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم رف منار الدين وهدم أفكار دعاة التسامح مع الكافرين. Le fait d'honorer la religion par ses vraies valeurs et d'annihiler des idéologies de ceux qui appellent à l'indulgence, aux tolérances avec les mécréants. Traduit et commenté par Abu Taymiyyah Khalil al-Mutaniki, hafizahu Allah ta'ala. Deuxième leçon. Inna alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abdu rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. Tasliman kathiran, amma ba'd. Ok, on avait pris une mukaddima par rapport à ce livre. Et on a expliqué un petit peu le but de ce livre, qui est de réfuter aux ambiguïtés que certaines personnes ont dans la compréhension de la tolérance et l'indulgence à faire preuve envers les mécréants. Car certains voient ça dans l'absolu. Vous voyez, comme si les koufars avaient tous les droits sur les musulmans, comme s'il n'y avait pas de différence entre eux. Les gens ont exagéré dans cette notion de la compréhension de tasamuh, comme on dit en arabe, tasamuh. Naam. Tamam. Et nous avons évoqué également cet individu qui est Rachid Abu Hudhayfa, qui lui a voulu faire une forme de passerelle entre la sunna et, on va dire, le fait de vivre, essayer de rentrer la sunna dans le mode de vie occidental, mode de vie en France, pouvoir adapter la pratique de la sunna et pouvoir vivre en France sa religion pleinement. Chose que bien sûr il n'arrivera jamais à faire. Sans tomber dans les concessions. Il sera obligé de faire ce qu'on appelle Mudahana. C'est-à-dire de délaisser les choses de sa religion. Déjà même dans le pays d'islam, aujourd'hui, qui peut prétendre qu'il applique tous les points de sa religion à 100%, en toute liberté? Qui peut prétendre cela? Même en pays d'islam, que tu arrives à pratiquer tous les points de la religion à 100%. C'est une chose qui n'est pas permise de faire. Que les lois ne te laissent pas faire. Alors que dire en pays de Koufre, qui plus est un pays comme la France, qui est l'un des pays les plus acharnés à combattre l'islam. Chaque année, nous font de nouvelles lois anti-islam. Même si la camoufle, genre on veut telle chose ou telle chose, leur but c'est s'en prendre à l'islam. Donc ces gens-là, ces prédicateurs qui appellent à ce genre de afkar, ce genre d'idées, bien entendu, se considèrent comme étant des trompeurs et des oppresseurs sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'avait dit. فقال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. Dans le sens où il dirait que ceux qui dissimulent de ce que nous avons fait descendre comme preuve et guidée après que nous l'ayons démontré aux gens à travers le livre, ceux-là seront maudits par Allah et seront maudits par ceux qui maudissent. Tel est le sort qui attend les gens qui cachent des choses de la religion. Car ils sont obligés de faire cela, de cacher les choses de la religion ou de les transformer, de les altérer. Comme par exemple, certaines personnes qui disent que la démocratie elle s'appelle sur l'islam et comparent cela avec la shura. Comparent la démocratie à la shura. Et ça c'est un pur mensonge. La shura, c'est le fait de consulter des gens experts en la matière. Un groupe de personnes, d'individus bien définis. Ce n'est pas tout le monde. La démocratie, c'est quoi? C'est le peuple. Tout le monde a son mot à dire. Le boulanger, le boucher, le garagiste, hein, le plombier, l'aviateur, le chômeur, la concierge, la nourrice, le dealer, le braqueur, hein, le violeur, le sorcier. Tout le monde a son mot à dire. À part sa voix dans l'urne, tout le monde, à partir du moment où tu es citoyen, que tu as les papiers, tu as ton mot à dire. On dit en islam, non. C'est pas tout le monde qui a son mot à dire. Il n'y a pas. Si demain il y a un truc qui concerne, on va dire le peuple ou quoi, il faut consulter des gens, on va consulter des gens experts en la matière, dans le domaine qui est visé. On n'appelle pas tout le monde. Demain on a, je sais pas moi, tu as à mettre en place une chose qui a trait à l'éducation dans l'école, tu vas pas appeler le garagiste. Bien entendu. Tu vas appeler les gens qui sont liés à ça. Parmi les enseignants, parmi les gens qui sont qui ont une expérience dans l'enseignement. D'accord ? Tu ne vas pas appeler un alpiniste pour ça. Il ne sert à rien, lui. Donc eux, ils veulent tout mélanger. Donc cette personne-là sera obligée de changer les textes ou d'en cacher certains à la manière des juifs ou de les interpréter selon leur compréhension. Ou alors de prendre des hadiths qui ont été inventés ou quoi et de les prendre comme preuve sans connaître la source du hadith pour pouvoir comprendre que ce hadith à la base n'existe pas. Ils vont chercher tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir aller dans leur sens et argumenter leur position. Tu comprends ? Donc ceux qui dissimulent des choses qui sont prises de la religion en vue d'en tirer, on va dire, un profit mondain, qui cache des choses, ce verset vient pour dire ce qui les attend. Le châtiment du moins qui plane au-dessus d'eux, qu'ils méritent à la base. Donc là, le Shir veut, en premier point, parler de ce qu'il parle de, comme les gens le disent, At-ta'aruf. At-ta'aruf. Qu'ils ont pris de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala où il dit Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'il lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Ô vous les gens, nous avons créé d'un mâle et d'une femelle et nous avons fait de vous des peuples et des tribus afin que vous entreconnaissiez. Et certes, le plus noble auprès d'Allah, entre vous, c'est le plus pieux. Donc le mot lita'arafu, lita'arafu, c'est le fait de s'entreconnaître. Et eux, ils le prennent dans quel sens ? D'apprendre à se connaître. Ils ont pris le verset, genre, lita'arafu, Allah spontané à col, ya ayyuhannas, on vous les hommes. Hein ? On vous les hommes. Inna khalaqnakum, nous avons créé, min zakarin, Namal, yani Adam, wa unfa, Hawa. Ja'alnakum shu'uba, nous avons fait de vous des peuples, des nations. Wa qaba'il, jam de qabila, des tribus. Li, ay pour, la salam ta'lil. Ta'arafu, pour que vous entreconnaissiez. Maintenant, là le chef a expliqué ce que veut dire par là. Parce que eux, ils ont pris ce verset en sens pour dire que nous, les musulmans, vous, les chrétiens, vous, les juifs, vous, les bouddhistes, vous, les athées, vous, les communistes, et ainsi de suite, nous sommes là pour qu'on apprenne à se connaître. Que tu saches qui tu es, que tu saches qui je suis. Donc cela engendre un dialogue, un débat ouvert. D'accord ? Je ne conteste pas ce que tu as à dire, je t'écoute. Ah, tu es comme ça ? Ben, je te connais maintenant. Ben, moi, je suis comme ça, comme ça, comme ça. D'accord ? Comme on a dit hier, un débat ouvert. Des hommes de façon générale. Donc maintenant, expliquer ce verset-là, qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Ce n'est pas du tout ça. D'accord, là, Yanni, il dit que cette compréhension du mot At-ta'aruf, s'entreconnaître, cela est une pure transgression à la compréhension authentique de ce verset. Et en fait, c'est le fait de s'entreconnaître de façon légiférée. C'est-à-dire, le verset signifie par là que l'on connaisse notre généalogie, comme ça va venir dans le Kalam d'Ibn Kathir. Qala l'imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, fi tafsir, qawlihi li ta'arafu yuqal fulanu ibn fulani min kaza wa kaza min qabilat kaza wa kaza. Hey, un tel, fils d'un tel, de telle et telle tribu. Connaître, on va dire, ta généalogie, d'où tu viens, ta race, ton origine, tes descendants. Car comme tu le sais, l'islam est venu pour préserver justement cinq choses essentielles, et parmi elles, al-nasl, la généalogie, c'est d'où tu viens. D'où l'interdiction du zina, la fornication, qui elle, justement, amène à corrompre et à empêcher de connaître les liens. Car demain, celui qui fait zina, qui a un enfant, avec plusieurs femmes, une femme avec plusieurs hommes, on ne sait plus qui est le père de qui. Donc là, la généalogie, elle est coupée. Il n'y a plus de suivi. Donc ce verset est venu pour ce sens-là. Qu'on apprenne à savoir qui nous sommes. Toi, tu es un tel, fils de un tel, telle tribu, et de telle région, de tel endroit. je te connais en tant que personne et non pas en tant que, par exemple, chrétien. C'est quoi? Tu es un chrétien, explique-moi qui tu es. Je veux apprendre à te connaître. Non, le chrétien, je sais qui il est. Dans le Coran, Allah nous a dit qui sont les chrétiens. J'ai pas besoin de plus. Le juif, dans le Coran, Allah nous dit qui ils sont. On sait qui ils sont. Tu es un juif? Non, c'est bon, je sais qui tu es. M'en dis pas plus. Je sais qui tu es. Je veux pas en savoir plus. Et là, tu l'appelles à l'islam. Cheikh Mokbir, rahmoullahu ta'ala, il avait une cassette. C'est une rencontre avec un journaliste allemand. La cassette, elle est connue. Après, c'était bien que c'était un journaliste, c'était un espion. C'était un jassous, en fait. Dans la cassette, quand Cheikh Mokbir parle avec lui, tu crois qu'il lui raconte sa vie? Il lui dit, explique-moi, c'est comment l'Allemagne, comment tu vis, qu'est-ce que tu manges au petit déjeuner, tu vois? Non! Il lui dit que c'est un mécréant, il faut qu'il se convertisse. Il l'appelle à l'islam. Il parle avec lui, mais il l'appelle à l'islam. Alors qu'aujourd'hui, c'est pas un appel à l'islam. C'est juste, trouvons comment lier entre toi, ta religion, si tu coïncides avec la mienne, avec la sienne, et on s'allie dessus. Un peu comme la règle des Ikhwan, mais de façon plus grande, universelle. La règle des Ikhwan, c'est quoi? Que l'on s'assemble sur ce qu'on est d'accord, on s'excuse sur quoi on diverge. Et bien c'est ça. On regarde sur quoi on est d'accord, toi en tant que chrétien dans le christianisme, toi en tant que juif dans le judaïsme, et moi en tant que musulman dans l'islam. Si on est d'accord, on s'allie dessus, on ne diverge pas, on s'allie dessus. Et ce sur quoi toi tu es en désaccord avec moi, khalas, pour qu'on puisse vivre en société, en communauté. On ne veut pas de guerre, pas de conflit, pas de litige. D'accord? La paix, comme on dit. On lui dit non, c'est pas comme ça. Tu lui dis qu'il est sur le batil et tu lui dis c'est quoi la vérité. Tu l'appelles le tawhid. Il fait du shirk. Comment tu dis je me tais sur le shirk? Comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man ra'a minkum munkara. Celui qui a vu entre vous un mal, qui le change par sa main, jusqu'à au cœur. Et dans le hadith, c'est venu sous forme de wajib al-amr. Billam al-amr. Là c'est l'aim hafajazm qui incite, qui implique une forme impérative. Il faut que tu le fasses. Et si ce stade-là tu ne peux pas le faire, alors tu passes au stade d'en dessous. Par la langue, tu parles, tu blâmes. Et si vraiment tu ne peux pas le faire, dans ton cœur au moins. Donc dans ton cœur, tu vas rester à l'écouter, ce qu'il va te dire. Si tu l'écoutes, c'est qu'il y a une forme d'agrément un petit peu. Ou alors tu l'écoutes pour pouvoir le répliquer. Non. Mais là tu vas faire changer quoi? Par ta langue. Mais demain, t'es là, il te règle toute sa mécréance, toute sa perversion, t'es là, tu l'écoutes. Tu bouges la tête comme ça, et tout, oui, oui, oui. Après, tu dis, bon, on boit un café. Tu crois que c'est une chose qui est conforme à la religion, ça? Il te parle de choses énormes que Allah déteste. Toi, tu es là, tu dis rien. Un autre exemple, pour que les gens comprennent c'est quoi l'importance de la chose. Demain, tu es là, tu te dis, par exemple, tu te dis, comment on appelle ça déjà? Hétéro. Tu aimes les femmes. Demain, tu as devant toi ce qu'ils appellent un homosexuel. Il te raconte tout ce qu'il fait et tout, avec son copain. Tu vas rester comme ça à l'écouter? Tu vas l'écouter comme ça, tu vas rien dire? Tu dis, bon, Christian, bois un café? Mais après, tu te lèves. Déjà, s'il n'y a personne, je sais pas ce que tu lui fais. Si tu sais qu'il n'y a personne autour de toi qui te regarde, tu peux lui faire du mal, tu as le droit. Mais non, tu ne peux pas. Tu lui dis de se taire, Harry. Et tu ne peux pas, mais tu t'en vas. Mais tu es là, tu l'écoutes. Et t'es là, oui, tu bouillotes, c'est genre presque intéressant ce que tu me dis. Donc, ça là, Al-Lawat, ce qu'on appelle l'homosexualité, c'est moins grave que le shirk, que la mécréance. Donc, que dire devant justement ces gens-là? Parce que les gens, ils ont pas compris. Pour eux, ces genres de choses, c'est plus grave. On dit non. Être homosexuel, c'est très très grave en islam. C'est peine de mort. Mais ce n'est pas pour autant que ça peut sortir de l'islam si tu ne le rends pas salicite. C'est grave ce que tu fais. Il y a une peine en courir pour ça. Mais ça veut dire que pour autant, ce que tu fais là, c'est pire que quelqu'un qui fait de la mécréance. L'homosexuel en islam, qui est musulman, d'accord, t'as fait le machia, il se peut qu'Allah lui pardonne ce qu'il a fait. Nous, en cette dunya, on ne le pardonne pas. C'est la peine de mort. Avec divergence sur comment on fait. Il y en a qui disent qu'on jette d'une montagne. Il y en a qui disent qu'on l'habite comme celui qui fait fornication. Il y en a qui disent quoi? Qu'on écroule un mur sur lui. Comme fut détruit le peuple de Lot. Alayhi salam. D'accord? Il y en a qui disent qu'on fait tomber un mur sur lui. Les divergences, comment on le tue, mais il y a ijma qu'on le tue. Pas mal. Mais il meurt haddan. C'est une peine de sentence. C'est pas une peine d'apostasie. sauf s'il dit que cela c'est licite, là c'est autre chose. Tandis que celui qui fait du shirk, akbar, d'accord, lui c'est quoi? On le tue, mais riddan, apostasie. Et lui, yom kiyama nekhaledan finar, il est éternisé dans le feu. Donc, est-ce que les deux sont pareils? C'est pas pareil tous les deux. Mais pour les gens, comme ils ne connaissent pas le tawhid, c'est quoi? Et c'est quoi l'iman? Ils vont voir cela comme étant plus grave. Demain, ils vont aller voir chez Marabout le Fulani, et vont être gentils avec lui. Et l'autre là, le je sais pas quoi là, le drag queen qui vient de je sais pas d'où, ils vont lui faire une misère pas possible. Non, il faut faire la misère. Mais lui, là, il est pire encore. Lui, c'est un sahir, celui-là. Là. Il fait du sihr. Et le sihr, minna waqid al-islam. Amal lawat, lisa minna waqid al-islam. Donc, il faut bien comprendre les choses. Et ça, ça mène à quoi au jahil? Parce que les gens ne connaissent pas. Vous voyez, ils ne connaissent pas. Donc, pour revenir à ça, ce verset cité amène à connaître la généalogie. Tout simplement, et non pas apprendre à connaître et écouter ce qu'il a à dire et apprendre à le connaître pour pouvoir vivre avec lui. Sûrement pas. Comme des gens, justement, d'ailleurs, ce Rachid Abu Hudayfa se sert de ce verset. On se rend compte qu'il a eu avec les pères, le père Bernard ou le père je sais pas qui là, pendant l'Eid. Il prend ce genre de verset justement pour argumenter ses actes, justifier ses actes. Et cela est complètement faux, cela démontre son ignorance à cet homme. Attendez. Donc également, ce verset est venu, a été appuyé par un hadith, un at-Tirmidhi, selon Abu Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum, fa inna sirata ar-rahim mahabba fil ahl wa mathara fil mal wa munsa'a fil athar. Wal hadith sahih. Donc il dit: apprenez votre généalogie. Apprenez votre généalogie, votre descendance, par laquelle vous pouvez entretenir les liens de parenté. Car cet entretien amène à l'amour dans la famille, comme on dit, et fait fructifier les biens, et laisse une trace dans l'histoire. Après, il citait la parole d'Ibn Jarir, toujours par rapport à ce verset, qu'il dit, rahimahullah ta'ala, dans son tafsir, « Innama ja'alna hadhi al-shu'ub wal-qaba'il lakum » أيها الناس ليعرف بعضكم بعضا في قرب القرابة منه وبعده لا لفضيلة لكم في ذلك فقرب تقربكم إلى الله بل أكرمكم عند الله أتقاكم. Qu'il dit, nous avons fait ces peuples et ces tribus pour vous les gens, afin que vous entreconnaissiez, c'est-à-dire vos liens de parenté et votre éloignement. Si lui, par exemple, il est proche de toi ou pas. Si jamais c'est ton oncle, s'il a un lien avec toi, ton cousin ou je ne sais quoi. Et non en tant que mérite en cela. C'est-à-dire, pas que tu te vantes de telle kabila, de ta tribu. Non, tu connais ta tribu pour que tu saches que toi, tu es de telle tribu ou de tel peuple et non pas de celui-ci. Comme ça, il n'y a pas de mélange dans les descendances et les généalogies. Et non pas pour que tu dises que toi tu es meilleur que celui-là. Non. Juste pour que tu connaisses ta lignée. Ta lignée, tu la connais. Voilà. Et que le plus noble auprès d'Allah, qui est-il? Le plus pieux. Et non pas un tel de telle lignée, ou un tel de telle tribu, ou un tel de tel peuple. Non. Le plus pieux entre vous, auprès d'Allah. C'est celui-là qui est le plus honorable auprès d'Allah, par la piété. Vous voyez, c'est par la piété que. C'est la piété qui est le pivot, on va dire. La graduation pour savoir qui est le meilleur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, c'était un point qu'il cita. Ensuite, il évoqua le point du ce qu'on appelle At-ta'alluf. At-ta'alluf. Vous voyez? At-ta'alluf. Et At-ta'alluf, c'est l'instauration de liens, entretenir des relations au sein de la population, dans la société. Et ta'alouf, en réalité, son sens voulu, c'est celui qui est venu dans la législation. Qu'a fait quoi ta'ala, qu'il cita, Waskuru niyamatallahi alaykum izkuntum a'da fa'allafa, on a le shahid, fa'allafa bayna kouloubikum fa'asbahtum bi niyamatihi ikhwana. Donc rappelez-vous des bienfaits d'Allah sur vous, alors que vous étiez encore ennemis, adversaires. Alors, il lia entre vos cœurs et vous devinrent, par son bienfait, des frères. c'est-à-dire en religion. En religion. Il citait la parole d'Ibn Kathir dans ce verset qui dit « Saru ikhwana mutahabbin bi jalalillah mutawasilin fi dhatillah mutaawinin ala albirri wa attaqwa » Qala ta'ala « Huwa alladhi ayyadakum bi nasrihi wa bil mu'minin wa allafa shahid wa allafa bayna qulubikum wa law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta bayna qulubihim » ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ابن كثير دي كوا وكانوا على شفا حفرة من النار بسبب كفرهم وأبعدهم الله منها أن هداهم للإيمان. فان بارول دونك il dit ابن كثير رحمه الله تعالى qu'en réalité ce sens de ta'aluf avant ça dans la législation il y a un sens de d'amour, de lien accroché, de fraternité. Est-ce que cela existe entre les musulmans et les koufars? Non. Et ce verset vient pour prouver cela. Donc Ibn Kathir, il dit à propos du verset, il dit que ils sont devenus frères, s'aimant dans la splendeur d'Allah. Jalal, illah, jalaj. Il y en a souvent traduit par splendeur. Maintenant, je ne peux pas vraiment dire est-ce que c'est le terme approprié. Mutawassilina fi dhatillah, qu'ils entretiennent des relations dans l'essence d'Allah, pour Allah. Qu'ils s'entraident dans la piété et l'obéissance. Et dans le sens, Allah il dit, il a cité le verset dans le Sprantala, dans le sens où il dit, et il est celui, c'est-à-dire Allah, qui t'a, on va dire, appuyé par son secours et par les croyants. Ils sont venus pour soutenir, être un renfort. Et il a joint entre vos cœurs. Et que même si tu avais dépensé tout ce qu'il y a sur terre, tu n'aurais pu lier entre leurs cœurs. Cependant, c'est Allah qui a lié entre eux. Il est certes puissant et sage. Donc là, Allafa bayna qulubihim. Donc ce ta'aluf, il est dans la fraternité, pas l'islam. Et cela quand? Alors qu'ils étaient quoi? Au bord de l'abîme du feu. À cause de leur mécréance. Alors Allah les en a éloignés et les a guidés vers la foi. Fin de parole d'Ibn Kathir. Donc le Shir cita, commente à cette parole en disant, donc ce prêche qui est de ta'aluf, de lier, et de ta'akhi, de fraterniser avec toutes les sectes et avec toutes les religions, parmi eux le judaïsme, le christianisme, Majusiyah, c'est les mages, on va dire. Je ne sais pas si c'est un nom en français qui est un nom d'ensemble. Et d'association et d'idolâtrie, cela est un prêche de mécréance. Le lien entre les religions toutes, cela est de la mécréance. Pas même, cela est de la mécréance. Comme a kulna, inna dina inda Allah al-Islam. La religion auprès d'Allah, c'est l'islam. Wa man yabtari ghayra al-islam dina fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Que celui qui choisit autre que la religion de l'islam, cela ne sera pas accepté de lui, il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Comme nous avions dit, donc tu n'as pas le choix. C'est l'islam. Al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa radaytu lakum al-islam dina. Et aujourd'hui, je vais votre religion, j'ai complété sur vous mon bienfait, voilà, et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. J'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Et comme on sait, le juif sincère et le chrétien sincère, normalement ils aboutissent à quoi? À quoi ils aboutissent? À l'islam. D'accord? Ils aboutissent à l'islam. Mais l'islam est venu seulement pourquoi? In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Si vous aimez Allah, alors suivez-moi. C'est-à-dire Mohammed, Allah vous aimera. Donc tu dis que tu aimes Allah, celui que toi tu appelles Dieu, tu l'aimes vraiment et tu te dis monothéiste. Tu lis la Torah, tu lis l'Évangile, tu lis l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Et bien normalement, si tu lis le Coran et tu lis entre le tout, tu verras que le Coran c'est l'aboutissement final. Donc tu dois poursuivre. Mais ils ne veulent pas. Donc leur sincérité a été justement remise en cause. Celui qui est sincère, Harry, il arrive à l'islam au final. Ensuite, par rapport à ça, justement, il citait une fatwa de Cheikh Ben Baz, ou plutôt une moukad d'imam de Cheikh Ben Baz, pour le livre de Cheikh Ismail et Ansari, qui a fait un livre, une sala, sur le jugement de la construction d'églises ou de synagogues en terre d'islam. Cheikh Ben Baz, il a fait la moukad d'ima, la préface de ce livre. Donc, je prends juste le paragraphe Shahid, qui nous intéresse par rapport à ça, où il dit. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, dit وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ عَلَى تَحْرِيمِ بِنَ الْكَنَائِسِ فِي الْبِلَادِ الْإِسْلَامِيَّةِ وَلَا وُجُوبَ هَدَمِهَا إِذَا أُحْدِثَتْ وَعَلَى أَنَّ بِنَاءَهَا فِي الْجَزِيرَةِ الْعَرَبِيَّةِ كَنَجْدٍ أَوْ الْحِجَازِ وَبُلْدَانِ الْخَلِيجِ وَالْيَمَنِ أَشَدُّ إِثْمًا وَأَعْظَمُ جرمان لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب ونهى أن يجتمع فيها دينان وتبعه أصحابه في ذلك انتهى من المراد. Donc il dit les savants sont unanimes qu'Allah fasse miséricorde quant à l'interdiction de la construction d'églises dans les pays islamiques et qu'il est obligatoire de les détruire si jamais cela se produit et que leur construction dans la péninsule arabique comme au Najd ou au Hijaz ou dans les pays du Golfe ou au Yémen est de plus grands péchés encore car le prophète, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a ordonné d'en expulser les juifs et les chrétiens et les associateurs de la péninsule arabique et qu'il a interdit que s'y rassemblent ou s'y mélangent deux religions et ses compagnons n'ont suivi ni en cela. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, inchallah ta'ala. Donc aujourd'hui on a compris quel est le sens de al-ta'aluf ou al-ta'ahi al-shal'i, le sens légiféré à comprendre cette fraternité et de cette alliance, que celle-ci ne s'applique que pour les musulmans d'entre eux. Donc ne pas prendre ces versets et les mettre en contexte pour ensuite aller justement dialoguer avec les mécréants. Si tu dialogues avec eux, c'est pour leur démontrer leur mécréance et les appeler à l'islam. C'est ça le dialogue à entretenir avec eux. Ou alors un dialogue peut-être de dounia, un truc qui n'a rien à voir. Par exemple, je sais pas moi, tu vas au garage, le garagiste, c'est un chrétien, tu parles de mécanique avec lui. Sans lui montrer que tu l'aimes, que c'est ton ami. Mais à partir du moment où tu rentres dans un dialogue pour justement entretenir des liens, là, attention, tu dois l'appeler. Aller. Déjà, même quand tu vas au garage, tu l'appelles ça. Tu le vois comme ça et tout, tu dis, tu vois sa tête, tu vois que c'est pas musulman par exemple. Je sais pas, t'arrives, tu vois une croix sur le mur. Tu dis, t'es chrétien ? On va dire, oui, je suis chrétien. Tu dis, bah, le christianisme, c'est quoi par exemple ? Explique-moi. Pour que j'arrive justement à te montrer comment c'est faux. C'est pas explique-moi que je connais pas. Explique-moi, en fait, c'est une technique de da'wa. Après, tu retournes contre lui. La Trinité, et tu dis, le Créateur n'est pas un, et là, il a bégayé. Il va commencer à philosopher. Oui, non, mais tu ne comprends pas, c'est l'essence spirituelle de la compréhension de... Arrête là, arrête-toi là. Tu lui dis en islam, tu lui dis, t'es monothéiste ou pas? Il fait, oui, je suis monothéiste. Donc, Trinité et unicité, c'est le même mot, c'est deux mots différents. Et là, il va bégayer normalement. T'es monothéiste, tu adores une seule divinité. On est d'accord. Donc le Saint-Esprit, tu les as côté, et le Fils, tu les as côté. Et le Père, tu dis, le Créateur, c'est pas ton Père. Ton Père à toi, c'est qui ton Père? Tu penses, c'est qui ton Père? Il va dire, c'est... je sais pas, mais il va dire un nom comme ça, c'est Arthur, je sais pas quoi. Ton Père, c'est Arthur. D'accord, c'est lui ton Père. Eh bien, lui qui t'a créé, ce n'est pas ton Père. C'est ton Créateur, ton Seigneur. C'est Allah. Ce n'est pas ton Père, il n'a pas d'enfant. La Mélide ou la Mioulade, tu comprends ça? Allah n'a pas d'enfant. Donc là, il va commencer à essayer de parler, là, après t'arrives avec la dille pour lui montrer cela. En islam, ceci, ceci, cela. Et qu'ils disent, vous dites ça, cela est faux. Par tel texte. Et tu dis, même dans votre livre, pour on va dire ceux qui étaient chrétiens, qui connaissent un peu la Bible, dans votre livre, on dit ceci, cela. Tu contredis ta Bible maintenant. Donc comment tu dis par exemple, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Fils pour vous c'est Jésus. Il va dire, oui, c'est Jésus. D'accord. Pourquoi dans la Bible, Jésus dit, oh mon Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc quand tu l'adores, lui-même il invoque. Il invoque qui? Son Seigneur. Donc pourquoi toi tu invoques quelqu'un qui invoque son Seigneur? Ça s'appelle de l'idolâtrie, ça. Là tu invoques, tu fais une adoration pour une créature. Donc cela s'appelle comment? Idolâtrie ou pas? Il va accepter, il va se taire, il va philosopher. Tu dis, écoute, moi en islam c'est simple. Ce que tu fais là s'appelle invocation, cela n'est que pour Allah. Wala tadou ma Allah yahada. N'invoquer personne avec Allah. Et l'invocation ou adoration pour qu'Allah, c'est nous, cela s'appelle du shirk en arabe, en français, association dans un sens d'idolâtrie. Que ton adoration est vouée pour autre qu'Allah. Donc cela est du polythéisme, que tu le veuilles ou non. Tu as beau te dire que ton Seigneur n'est qu'un, mais ton acte est du polythéisme. L'adoration, tu l'as fait pour autre qu'Allah. Donc tu adores autre qu'Allah. Et il ne saura pas quoi te dire. Parce que pour eux, le polythéisme, c'est d'avoir plusieurs dieux. Jupiter, Zeus, Mars, Athéna, je ne sais pas qui encore. Tu dis non, ce n'est pas ça seulement. Si ton adoration, tu l'as fait pour autre que Allah, c'est du polythéisme, tu lui dis. Car tu auras mis une chose qui revient au créateur à la créature. C'est du polythéisme, tu lui dis. Même si toi, tu reconnais qu'il y a un seul créateur pour toi, un seul Dieu pour toi, comme tu le dis, bah, ton adoration n'est que pour lui. Donc pourquoi tu fais ça pour autre que lui? Pourquoi tu fais ça pour autre que lui? Cela, c'est pas du polythéisme, que tu le veux ou non. Le sens du mot est polythéisme. Donc tu es polythéiste ou monothéiste? Polythéiste, ça veut dire. Donc pourquoi t'invoques Jésus? Pourquoi t'invoques Marie? Pourquoi t'invoques les saints? Comme ils font ça en gentil souvent, ils sont en colère là. Oh, ils te font une série de saints, ils font le signe de croix, tous les saints. Ils vont faire quoi pour toi ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils vont faire pour toi? Saint-Marc, qu'est-ce qu'il va faire Saint-Marc? Aux Antilles c'est comme ça. Hein. Ils sont en colère, c'est tous les saints de la terre. Il dit Dieu, Marie, Joseph, après ils sont tous les saints de la terre. Tu dis waouh! T'adores beaucoup de personnes toi, dis-moi. Dis non, je les adore pas. Si tu les invoques, l'invocation c'est pour Allah seulement. Là tu les as invoqués là. Ils servent à quoi? Ils sont morts. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour toi? Ils ont un pouvoir quelconque? Et s'ils disent oui, tu dis ah, donc, ce sont des morts, tu leur as appelé un truc de la Rububiya là, la Seigneurie. Ils vont faire quoi pour toi? Qu'est-ce qu'ils vont faire pour toi? Ils vont préserver du mauvais sort. Ah d'accord. Et là tu débats avec eux, tu lui expliques. Après il ne comprend pas, classe. Attention, je te dis pas qu'avant ça il est excusé, hein. Non. C'est un mécréant avant ça. C'est un mécréant. Mais tu lui fais comprendre c'est quoi sa mécréance. Qu'il s'en rende compte. Et après ça, tu l'appelles à l'islam. Tu lui fais le lien. D'accord? Tu lui fais le lien. C'est pas tu parles avec lui pour apprendre à le connaître. Tu sais qui il est déjà. Mais c'est pour lui apprendre qui il est dans le sens, tu es un mécréant, tu es un polythéiste, tu es un associateur, tu es un mouchirik. D'accord? Tu expliques en islam qu'est-ce que ça veut dire, et que si tu vas là-dessus, tu es en enfer éternellement. Il peut crier, il peut taper du pied, il peut pleurer, il peut t'insulter, mais ça ne changera rien. Ça ne va rien changer. Tu peux t'énerver, ça ne va rien changer. Tu es un mécréant. C'est tout. Et tu t'en vas. S'il veut continuer à discuter avec toi pour comprendre, discute avec lui pour l'expliquer. C'est quoi l'islam pour l'y emmener. Il ne veut pas escamper ton... Et peut-être des fois, tu revois les calmes, tu le replaces si tu peux. Et par contre, tu vois que c'est vraiment un nerveux, comme ça, c'est Allah, la religion, là, tu le délaisses tout de suite. Parle même pas avec lui. Parle même pas avec lui, tu t'en vas. Amen. Donc, hada. Subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. مع تحية دمام افاق.com